Et maintenant, je voudrais passer à autre chose qui est tout aussi fondamentale pour vous aider à construire des phrases en anglais. Il s'agit de ces mots et expressions qui servent à dire où est quelque chose ou quelqu'un, donc à situer dans l'espace. Par exemple, on a déjà vu ensemble « au milieu de la pièce », qui, attention, en anglais se dit « dans le milieu de la pièce », c'est-à-dire « in the middle of the room ».« In the middle of the room », oui. Alors, voyons quelques autres mots pour situer dans l'espace parmi les plus courants. Commençons par « en face », qui en anglais se dit « opposite ». O-P-O-S-I-T-E. Pensez au mot français « opposé », qui est d'ailleurs l'autre sens de « opposite ». Alors, comment direz-vous « elle habite dans la maison d'en face », littéralement, dans la maison en face. She lives in the house opposite. She lives in the house opposite. On peut dire la même chose avec « she lives across the street ». Across, A-C-R-O-2-S, qui veut dire « de l'autre côté de » et « street », S-T-R-2-E-T, qui signifie « rue ». Alors, est-ce que vous pourriez répéter cette autre traduction ? Littéralement, elle vit de l'autre côté de la rue. She lives across the street. She lives across the street, oui. Ou, she lives in the house opposite. Et ce sont deux manières d'exprimer la même chose. Bien, alors, sachant que magasin se dit shop, S-H-O-P, et que opposite veut non seulement dire en face, mais aussi en face de, comment dira-t-on « je fais mes courses dans le magasin en face de la banque » I do my shopping in the shop opposite the bank. I do my shopping in the shop opposite the bank. Mais Vincent, aux États-Unis, on dira plutôt I shop in the store across the street from the bank. Oui, alors retenez surtout ici que shop, c'est le mot britannique pour dire magasin. Et store, c'est la variante nord-américaine. Bien, et le mot pour dire entre, c'est between. B-E-T. W-2-E-N. Alors, si librairie se dit bookshop, B-2-O-K-S-H-O-P, et littéralement, hein, c'est magasin de livres, donc là encore un bel exemple de collage à l'anglaise, comme on a vu plus tôt. Donc, comment dira-t-on « la librairie est entre le supermarché et la banque » The bookshop is between the supermarket and the bank. The bookshop, ou bien... En anglais américain, the bookstore. The bookstore, oui, is between the supermarket and the bank. Et si à côté de se dit next to, N-E-X-T, plus loin, to, T-O, next to, et le bureau de poste se dit post office, comment direz-vous la banque est à côté du bureau de poste? The bank is next to the post office. The bank is next to the post office, c'est ça. Alors, il existe un autre mot pour dire à côté de, c'est by, B-Y, by. Alors, si le mot pour église est church, C-H-U-R-C-H, comment traduirez-vous en utilisant by, elle habite dans la maison à côté de l'église? She lives in the house by the church. She lives in the house by the church. Ou, she lives in the house next to the church. Et maintenant, encore deux petits mots essentiels pour situer dans l'espace, près et loin. Alors, près se dit near, N-E-A-R, et loin se dit far, F-A-R. Alors, imaginons un petit dialogue. Un piéton vous demande, est-ce que l'église est loin d'ici? Et vous lui répondez, non. Ce n'est pas très loin. Alors, est-ce que vous pourriez traduire cet échange? Commençons par le piéton égaré. Est-ce que l'église est loin d'ici? Avec d'ici qui se traduit from here. Is the church far from here? Is the church far from here? Et maintenant, votre réponse, non, ce n'est pas très loin. No, it's not very far. Is the church far from here? No, it's not very far. Bien, Alors, je crois que c'est le moment d'introduire un nouveau mot particulièrement utile. Un petit mot qui indique l'éloignement. Et ce mot, c'est « away », A-W-A-Y, qu'on emploie dans des expressions comme « à 3 km »,« 3 kilometers away », qui veut donc dire « éloigné de 3 km ». On emploie souvent cette expression pour répondre à la question « how far », à quelle distance, littéralement « combien loin ». Alors, si rivière se dit « river », R-I-V-E-R, comment direz-vous par exemple « à quelle distance se trouve la rivière d'ici ?» How far is the river from here? How far is the river from here? Et comment dira-t-on « c'est à 2 kilomètres »? It's 2 kilometers away. It's 2 kilometers away, à 2 kilomètres. Away sert aussi à exprimer le temps nécessaire pour y arriver. Alors par exemple, it's 10 minutes away by car, c'est à 10 minutes en voiture. Alors, si à pied se dit on foot, littéralement sur pied, on foot, F-2-O-T, comment direz-vous, c'est à 5 minutes à pied? It's 5 minutes away on foot. It's 5 minutes away on foot. Je voudrais terminer cette section avec deux mots tout aussi essentiels. Devant, qui se dit in front of, F-R-O-N-T, et derrière, behind, B-E-H-I-N-D. Alors pour dire garer une voiture, on dit en anglais to park a car. To park, P-A-R-K. Là, on emploie parfois en français parquer pour dire garer. Alors comment dira-t-on elle gare sa voiture devant la maison? She parks her car in front of the house. She parks a car in front of the house. Oui. Alors, il se trouve que parking ne se dit pas parking en anglais. Et non, c'est car park. Littéralement, parc à voiture. Car park. En deux mots. C-A-R, plus loin, P-A-R-K. Et donc, le parking est derrière le restaurant, se dira... The car park is behind the restaurant. The car park is behind the restaurant. Mais ça, c'est en anglais britannique, parce qu'aux États-Unis, on emploie un autre mot pour parking, n'est-ce pas, Vincent? C'est... Parking lot. Parking lot, oui. Et alors, est-ce que vous pourriez répéter notre exemple en employant la variante américaine? Le parking est derrière le restaurant. The parking lot is behind the restaurant. The parking lot is behind the restaurant. OK. Ceci dit, que vous utilisiez car park ou parking lot, la balle est passée par-dessus le filet. Alors je crois que désormais vous avez tous les outils nécessaires pour trouver votre chemin et même montrer le chemin aux touristes égarés. Alors que vous soyez à San Francisco ou Édimbourg, on vous prendra peut-être même pour un local, un habitant du coin.